Chapitre 4. Et lorsque 10 heures sonnèrent, les salons du château des Sablons, ornés à profusion des fleurs les plus belles, tout étincelant de lumière et d'or, regorgeaient de l'élégante cohue que le marchand d'or avait cru devoir inviter aux fiançailles de sa fille. Amaury de la Rochefontaine, superbe, magnifique et rayonnant de bonheur, ne quittait pas sa fiancée. Jacqueline, qui ne songeait qu'à son fils adoré, écoutait d'une oreille distraite les paroles toutes de tendresse enveloppante que lui prodiguait le beau marquis. Quant au banquet, il allait d'un groupe à l'autre, recevant les félicitations de ses invités, plastronnant suivant son habitude, lançant de temps en temps un coup d'œil rapide vers Mademoiselle Verdier, à laquelle il avait dû faire doucement violence pour qu'elle assistât au dîner. La jeune institutrice se tenait modestement à l'écart, comme si elle s'effrayait de se trouver au milieu d'un monde trop brillant pour elle. Favreau semblait avoir complètement oublié les menaces de Judex lorsque Coquentin, qui, impeccable dans son frac de soirée, s'était mêlé aux invités, s'approcha du banquier. Prenant un air solennel, il lui murmura à l'oreille, sur un ton d'énigmatique importance, « Tout va bien. » La vérité était que le détective avait en vain fouillé le château de la cave au grenier, exploré les communs et les dépendances, sondé les buissons les plus épais du parc. Il n'avait absolument rien trouvé, sauf Favreau, qui, à l'abri d'un épais berceau de verdure, échangeait avec Mademoiselle Marie les plus tendres propos. Coquentin n'eut d'ailleurs pas le temps de bluffer davantage. Une porte s'ouvrait à deux battants, laissant apercevoir un majestueux maître d'hôtel qui lança d'une voix sonore « Monsieur est servi !» Les convives pénétrèrent dans la superbe salle à manger du château où les attendait une table merveilleusement décorée. Dans cette atmosphère toute de plaisir et de bonne chère, promptement la conversation devint brillante, animée. Par instant, un éclat de rire féminin, sonore comme un choc de cristal, dominait le ronronnement actif des bavardages emmêlés. Compliments, potins, critiques, médisances allaient leur train habituel. Dans un salon voisin, un orchestre égrenait en sourdine tout un chapelet de valses lentes lorsque Favreau se leva, la coupe à la main, pour porter le toast d'usage. La pendule monumentale fixée à l'un des panneaux de la salle marquait exactement 10 heures moins 2 minutes. Le silence s'établit non sans peine. Puis d'une voix quelque peu altérée, et dont les circonstances expliquaient l'émotion, Favreau commença. « Mesdames, messieurs, permettez-moi de vous proposer la santé de ma fille, Madame Jacqueline Aubry, et du marquis Amaury de la Rochefontaine. » Un murmure approbateur circula dans l'assemblée. Favreau continuait. C'est avec une joie d'autant plus grande qu'elle se manifeste au milieu de vieux amis que je vous exprime, mon cher Amaury, ainsi qu'à toi, ma chère enfant, tous les vœux de bonheur que je forme. » Soudain, le banquier s'arrêta comme si la parole lui manquait. C'est qu'instinctivement, ses yeux venaient de se porter vers l'horloge et de constater que les aiguilles touchaient presque à l'heure fatidique annoncée par Judex. Alors le père de Jacqueline se rappela l'effroyable menace. Une angoisse indicible le secoua d'un frisson mortel. Toute son énergie, toute son audace, l'abandonnèrent en une seconde, car il se dit de nouveau, si c'était vrai, si en ce moment même, la main de ce justicier inconnu allait s'apesantir sur moi. Cependant, il luttait encore. Avec une force contrainte, d'un ton nerveux, saccadé, il voulut reprendre, s'adressant au jeune marié. « Oui, tous les vœux que je forme pour votre bonheur. » Mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Une sueur froide apparut à ses tempes. Un tremblement convulsif agita ses mains. Pour dissimuler son trouble, il porta à ses lèvres la coupe de champagne qu'il vida d'un trait. 10 heures sonnaient à l'horloge. Alors, le visage de Favreau se contracta en une convulsion hideuse. Sa coupe, lui échappant des mains, se brisa sur la table. Par 3 fois, il battit l'air de ses bras affolés, et tandis qu'un râle effrayant s'échappait de sa gorge, il s'effondra, abattu, foudroyé. Judex avait tenu parole. En un tumulte indescriptible, on se précipite au secours de Favreau qui ne donne plus signe d'existence. On le transporte au salon, on l'étend sur un canapé. Malgré tous les soins qui lui sont prodigués, on ne peut le rappeler à la vie. Un médecin, ami de la famille, qui assiste au dîner, constate que le financier a succombé à une embolie. Jacqueline, que son fiancé ainsi que Balière ont en bain essayé d'arracher à ce triste spectacle, Jacqueline, obligée de se rendre à l'horrible évidence, s'écroule à genoux, sanglotant éperdument auprès du corps de son père, tandis que Marie Verdier, l'institutrice du petit Jean, d'un regard où se lie à la fois l'amertume et l'épouvante, contemple, dissimulé derrière une tenture, le cadavre du marchand d'or, dont le faciès conserve dans la mort un atroce rictus de mystérieuse terreur, de surhumaine épouvante.